j'ai un mais on se cache tous. Moi derrière mon sourire c'est ce qui me gâche tout. Si les frères avec des grammes dans le sang, je ramène des gardes mat que les congénères. On paraît bien mais loin, check le mic, one, two, ODS, lab. Rien à pote de tes conseils, vas-y, laisse-moi kiffer le son. Salopé par la mer, chaque fois on me demande pourquoi tu es tendard. Parce que la vie me fait mal et que le rap est mon étendard.